بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. كتاب وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية في اليمن. أنا بليزير دو بريزونتي تفسير سورة الفاتحة. طه منير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 8. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وفيها من الفوائد، أي سورة الفاتحة، قال: التبر من الحول والقوة لأنه منعم عليه. هذه فائدة عظيمة، أن الإنسان لما يقرأ الفاتحة يتبرأ من حوله وقوته، لأن الإنسان خلق ضعيفا، الإنسان مخلوق ضعيف. فالصيغة ست هو: إياك نعبد وإياك نستعين. إسي سي سيبا الله سبحانه وتعالى كي لو فاسيليت، فكثير من الأمور إي بوغا با لي فيغ هو، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك اهدنا الصراط المستقيم. بيرسون مثلا على فورس دو غيدي لوي ميم، بيرسون. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى يقول كيف سلوي كي ميديت سوغ القران سوغ الفاتحه اي سابيرسو ان المخلوق اللي ضعيف. سي بور سا ك هذا المخلوق الى بوزوان دو ريفونيغ على الله سبحانه وتعالى. اياك نعبد وإياك نستعين. قال الشيخ الفوزان: وذلك في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله تعالى: أنعمت عليهم، وقوله: اهدنا، لأن هذا فضل من الله وليس بحولك ولا بقوتك. نعم، الله سبحانه وتعالى يشفاز كيف يهدي من يشاء. أنت على قيدك تا مسلم، لإيمانك تا التوحيد، لعلمك تا تساس، من فضل الله عليك. وما بكم من نعمة فمن الله، با بقوة أو الانتليجنس أو طنيان بارنتي، أبدا، سي فضل من الله. سي بور ساك تتخوف بعض الناس مثلا اللي قوي الجسم، سا من أكفر الكفرة. تتخوف بعض الناس اللي نسب عظيم، أي لليان بارنتي، كأبي جهل، كأبي طالب، إذا دي نسب عظيم، يفو بارتي قريش، يفو بارتي لا فامي دي بروفيت، مع هذا سي دي كفرة. تتخوف بعض الناس إذا كثير من المال، تتخوف إلي غني إلي كذا، تتخوف إلي بالإيمان. تتخوف واحد إلي ضعيف، أي إلي أنكور مثلا إلي فب il peut être malade, il est affaibli. Tu trouves, il n'a pas lien de parenté élevé. Tu trouves, c'est un mesquin, il n'a pas d'argent. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne l'iman. Et c'est ça la vraie richesse. Hada, il a tout gagné. Ama tu trouves, il est intelligent, il a de l'argent, il est kada. Tu le trouves, il fait du shirk. Ou, la yu'min billah, la yu'min bil rasul, la yu'min bil Qur'an. Hada, ça ne lui servira à rien du tout, yawm al-qiyam. Ça montre qu'on a. L'insan, il ne se repose pas sur son intelligence, ou sa force, ou ses biens, ou ses liens de parenté, abadan. Man batta'a bihi amalah, lam yusri' bihi nasabah. Al-ibra, c'est bil amal. Al-amal. Qala Isa sallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, illa man aba. Toute la umma du Prophète sallam, ils iront fil jannah. Illa man aba, sauf celui qui refuse. Qalu, man ya aba ya Rasulallah. قال من أطاعني دخل الجنة من عصاني فقد أبى. فقال صلى الله عليه وسلم: celui qui m'obéit il va في الجنة، celui qui me désobéit هذا il a refusé. فالمسألة بطاعة الله أو المعصية، c'est ça المسألة. أما l'argent et l'akhirah، ça c'est autre chose. Sauf celui qui a de l'argent et cet argent il l'utilise في دين الله في طاعة الله، هذا نور على نور. أما la personne qui croit que son argent ou ses biens ou sa place ou sa famille vont le sauver، أبدا. يوم القيامة tu seras tout seul. يوم القيامة il n'y a pas de bonne santé ou mauvaise santé ou riche ou pauvre. أو أغاب أو نواغاب نواغ بلان يبا هذا يوم قيامة إن أكرمكم عند الله تقاكم يوم قيامة ست تقوى فام أم بتي غران فيو يبا من هذا يبا من هذا فلا بسن يحقق هذا وانا دي بتي أي يعني أجن أما غير مكلف سيوت شوز قال العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله لأن هذا فضل من الله ليس بحولك ولا بقوتك الحول والقوة تجي لا حول ولا قوة إلا بالله لا بحسن إلين قوة إلين قوة لكن استقوة لضعيفة استقوة لتحت مشية الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لا قوة أولا للفب Je prends la personne qui a le plus de quwa min al-bashar, c'est un daif. Une petite maladie, elle lui fait du mal. Même si c'est min aqwa an-nas, il change de climat, ça lui fait du mal. Tu lui changes l'eau, ça lui fait du mal. Jiddan. Ça prouve qu'il est daif. Enfin, la personne jamais se repose sur sa quwa. Je vais faire, c'est grâce à moi, c'est abdan. Abdan. Alors, le Nabi sallam, il nous a montré qu'il n'y a la hawla wa la quwata illa billah, kanzun min kunuz al-jannah. C'est un trésor parmi les trésors de l'Aljanna. La hawla wa la quwata illa billah. Et cette kalima est azima. La hawla wa la quwata illa billah. Aïe, ta tabarra min quwatiko min hawlik et tu reviens à Allah. La guider, les biens, tout ce que tu as, c'est bifadlillah. Amman tata miskin. Et celui qui veut l'explication de cette kalima, c'est le Cheikh Abdel Razak ibn Abdel Mohsin al-Abbad. Il a un tafsir al-hawqala. طيب جدا يستفاد منه يدكسبك هذا قال توفيقك للعلم النافع وتوفيقك للعمل بالعلم هذا من الله صحيح من الله أنت أصلا تتغيان تتغيان دوتو الله تكخي ثانيا تتكوم للزود تكونيسيبا الله سبحانه وتعالى يتفاسلتي للشمع دو علم فالفضل لله لكن الإنسان في ديكوز سيبا يدي لا الله ما باشوازي شفريان لا La personne fait des causes, et ses causes par rapport à Fadlullah, par rapport à la récompense, c'est rien du tout. Falihada al-Fadlilillah jami'a. Qal, law sha'a rabbuk, la kunta ma'al maghdoub alayhim, aw min al-dhalin, fal-ladhi an'ama alayk wa akhrajaka min al-ta'ifatayn, wa ja'alaka ma'al anbiya, wa s-sadiqin, wa s-shuhada. فهو الله جل وعلا هذا ليس بحولك ولا بقوتك وإنما بفضل الله عز سبحانه وتعالى ça vous montre la ni'ma de l'islam et ça vous montre la ni'ma de l'ilm la personne يشكر الله عز وجل جدا على هذا الحمد لله رب العالمين le premier verset من القرآن الفاتحة الحمد رب العالمين il t'a créé, il t'a guidé, il t'a facilité من الناس الآن سيدي جويف سيدي كريتين سيدي منحرف سيمر على هذا يصف النار أنت الله سبحانه وتعالى تفاسلتي تكون الإسلام تفاسلتي تكون منهج السلف ضربة الإسلام منهج الأنبياء الله سبحانه وتعالى يتدني أكبر النعمة بلس العلم ستا مسلم تدغى الله بعلم فتتسني عن السني طالب علم يشكر الله سبحانه وتعالى يشكر الله سبحانه وتعالى يدمض الله سبحانه وتعالى كله في مغيق على هذه النعم نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله قال شيخ الفوزان فأنت تعلق قلبك بالله وتتبرى من الحول والقوة إلا بالله نعم كما في الدعاء المعروف لا حول ولا قوة إلا بالله كذلك سان دليل على التوحيد لا حول ولا قوة إلا بالله سان دليل على التوحيد أنه لا يجوز تتعلق بضعيف فطلوا بوركوا مثلا كثير من الناس يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كثير من المسلمين La plupart, tous les musulmans, ils disent cette kalima. Lakin, tu trouves un musulman, ils disent cette kalima, tout le monde, il adore un mort. Tu viens de dire, la hawla wa la quwata illa billah. Nafi wa itbat. C'est la même chose que la ilaha illallah. La ilaha illallah. La hawla wa la quwata illa billah. Enfin, tu témoignes, tu prétends, à n'a personne à la quwa, personne peut t'aider, personne peut donner quelque chose, illa. الله سبحانه وتعالى فتتعجب بعض الناس يدي cette كلمة يدمند عن مور pourquoi tu demandes pas الله القوي العزيز pourquoi tu demandes pas الله pourquoi tu t'accroches à un mort pourquoi tu penses qu'un mort il peut guérir ton enfant un mort il peut te guider un mort il peut te donner c'est où كلام لا حول ولا قوة إلا بالله أين هذا فلا حول ولا قوة إلا بالله on doit le dire le croire et l'appliquer أن لو اجتمعت الأمة من أولها إلى آخرها لينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله عليك لأن الناس القوي كذلك الانفرس si toute la umma elle sera sans pour te faire un mal ils pourront pas te faire de mal إلا أن يشاء الله sauf si Allah il a قدر كما في الحديث في الحقيقة الكلام هذا الكلام في سورة الفاتحة et ce dua سمين التوحيد سمين التوحيد ça fait monter l'iman de la personne حتى لا يتعلق il s'accroche pas au مخلوق الأمر il est بيد الله ولله الأمر من قبل ومن بعد ألا له الخلق والأمر il élève qui veut il rend riche qui veut il rend pauvre qui veut il rend malade qui veut بيده الأمر عز وجل أنت أيها المسلم tu fais le sabab tu fais le sabab et ta aqida أن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui fait ce qu'il veut ça t'apaise ce qui arrive c'est min Allah que ça soit une maladie que ça soit une épreuve que ça soit c'est min Allah tu patientes et l'essentiel c'est de mourir على طاعت الله قال شيخ فوزان يقول ابن القيم لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن الشاهد لو شاء ربك كنت أي أنت أيضا مثلهم si Allah سبحانه وتعالى il aurait voulu il aurait pu faire de toi un يهودي un نصراني Allah il fait ce qu'il veut لكن الله سبحانه وتعالى il a une حكمة بالغة et Allah سبحانه وتعالى il est injuste envers personne il a une حكمة أن أنت تأتي تجده فلان إلى تجاري حكمة الله علم أن cette personne فيها خير et cette personne il a du شر il acceptera pas الله يجده إلى جاه كيف قال فالقلب بين أصابع الرحمن هذا استفاده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى استفائدة عظيمة استفدناها من إياك نعبد وإياك نستعين si on demande الاستعانة لله Si on demande plutôt al-i'ana lillah azza wa jal, ça prouve que Allah c'est lui qui peut t'aider, c'est lui le qawi. Ça te montre que le makhlouq il est daif. Anta ayyuhal muslim, tu t'accroches pas à ta quwwa. Tu penses que les choses elles ont été faites par ta force, par ton intelligence, par abadan. Al-amr li biyadillah. Kam min an-nas ils essayent de faire des choses, ils n'arrivent pas. Kam min an-nas, il faut pas beaucoup d'efforts, Allah il leur donne. Le muslim sa aqida li fillah. Elle est fillah, la hawla ولا قوة إلا بالله فصا فائدة عظيمة من الفاتحة قال وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى معرفة الله أي معرفة بإيمان وتصديق وإقرار وعمل معرفة الله سبحانه وتعالى على التمام لأن بعض الناس يزون معرفة يكروك سي Tu dis qu'Allah, maintenant, il a des attributs, il croit que tu as fait ressembler Allah à la créature. Hada, il n'a pas l'imam à l'iman à la tamam. Pardonnez, il pense que tu n'as pas le droit de caractériser Allah subhanahu wa ta'ala avec tel attribut. Tu n'as pas le droit de dire qu'il s'appelle Hakada. Tout ça, ils n'ont pas l'iman à sahih, fil asma ou sifat. Mais celui qui dit le Fatiha, il va connaître hadi l'omour. Qal azza wa jal, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim. Asma ou sifat. Et le musulman, le sunni, il a des qawa'id. Les ulama, ils ont montré comment se comporter avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se sont basés sur Qawlullah subhanahu wa ta'ala Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. C'est une base, c'est une règle dans les noms et attributs. Rien ressemble à Allah. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Nafi al-mumathala wa ithbat الصفات وانتبه dans le verset الله سبحانه وتعالى il a dit وهو السميع البصير alors que beaucoup de créatures ils ont السمع والبصر les êtres humains les animaux que dire ils voient et ils entendent الله سبحانه وتعالى il voit il entend لكن الله سبحانه وتعالى il t'a montré ليس كمثله شيء فأنت تثبت الصفات لكن sauf et ressembler مثلا si une personne nous demande est-ce qu'Allah سبحانه وتعالى il voit on lui dit non Il peut nous dire, laquelle la créature elle voit. On lui dit, il n'y a aucun problème. قال عز وجل, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah il voit, pas comme la créature. Aïna l'ishkal. Il n'y a aucun problème. Sur le cas de fitra, qu'un aql salim, salim min al-shubah, il n'y a aucun problème. La créature elle-même, ils n'ont pas la même vue. Tu vois certains animaux, ils ont une vue qawiyya jiddan. Tu vois certains humains, ils ont une vue plus faible. Tu vois certains humains, ils ne voient pas. Ah oui, ils voient un peu, ils voient que d'un œil, ils voient. C'est pas, ils n'ont pas tous la même vue. Ma baluk rabbul alamin. Il a une vue Lakin, comment elle est? Allah a'lam. Est-ce qu'il a une vue? La chaque, il a dit Al-Basir. Est-ce qu'elle est comme celle du créature? La créature, abadan. Qal, laïsa kamit li shay. Al-Asma wa Sifat, les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, c'est une des plus grandes causes qui fait monter l'iman du musulman. La nasi connaît Allah subhanahu wa ta'ala, ala tamam. Ala tamam, aïe ala manhaj al-salaf. Il rajoute rien. Il rajoute rien. Ma ja'a fil Quran wa sunna athbatna. Qal Allah, qal al-Rasul fil Sifat. Yarahmakallah. Le musulman doit donner l'importance à ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité fil Fatiha. Malik yawmiddin. Qablaha ar-Rahman ar-Rahim. Tout ça, c'est fil asma wa sifat. Ayuha al-Muslim, tu dois connaître Allah. Lianna, tu l'adores, tu dois connaître. Tu dois connaître. Et plus tu le connais, Azza wa Jal, plus tu auras des facilités à lui obéir, subhanahu. Qala al-Sheikh al-Fawzan. قال هذه الصورة إذا تأملتها وتدبرتها عرفت الله سبحانه وتعالى على التمام بأسمائه وصفاته ونعمه عليك فيزيدك هذا إيمانا ويقينا نعم فتغمت الإيمان تسي أن الله إلى رحمن الرحيم فتغمت الإيمان تبا تكارتي دم باب دكارمو تبا سافر كسي تفان دم ton Rabb il est Ghafour, il est Rahim. Tu lui demandes qu'il pardonne. Tu connais, tu sais c'est quoi Malik Yawmiddin? Allah min asma'ihi al-Malik. Et tu sais que هذا al-Malik il peut te punir. Shadid al-Iqab. Et tu sais que tu vas le rencontrer Yawmiddin. Enfin, ça va te pousser à t'écarter d'une autre porte d'écartement, al-Irja. Aïe, c'est pas grave, Allah il est Ghafour Rahim. Là, entre les deux. Wa hakada. Plus la personne il est qawi fil asma' wa sifat, plus il sera qawi fil aqida. Et plus il est qawi fil aqida, plus tu le verras, il sera mustaqim ala sunnat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et ta'lamoun anna al-ulama rahimallahu al-amwat wa hafidh al-ahya minhum, al-ulama ils ont fait un jihad azim fi hada al-bab. Al-imam Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimallahu, il a fait un jihad azim. Celui qui lit son livre At-Tadmouriyyah, il va comprendre ça. Kayf yarad ala ahl al-batil. Khassatan à son époque, il y avait l'Asha'ira. L'Asha'ira à l'époque de Cheikh al-Islam, ils étaient partout dans la communauté. La plupart des gens, ils étaient ala hada al-madhhab. Cheikh al-Islam, il est venu à cette époque, wa radda alayhim. Un jihad azim. Hatta rahimallah, il a été en prison à cause de ça. Il est mort en prison à cause de ça. العلماء ils ont donné de l'importance جدا à هذا الباب. Allah subhanahu wa ta'ala il les a élevés. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم. Et tu ne pourras pas avoir un iman قوي إلا بمعرفة الأسماء والصفات. Le musulman donne l'importance à هذا. Et les علماء ils ont écrit des كتب في هذا. كتب. كتاب التدمورية لشيخ الإسلام والواسطية. وكتاب الأسماء والصفات لابن مندة، كتاب توحيد ابن خزيمة، كثير من الكتب، كثير السواعق المرسلة، كتاب عظيم لابن القيم رحمه الله، الصفات الإلهية للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله. أنا مسلم يتوكل على هذا الباب، خاصة طالب العلم. أما العوام، certaines مسائل ils pourront ne pas comprendre. Il y a des choses ils auront du mal à comprendre. لكن طالب العلم doit connaître ces choses. Il doit connaître. لأن كثير من الناس يحارب الإسلام من هذا الباب. الأشاعرة، المعتزلة، الجهمية، ويكبت علماء السنة من هذا الباب. طالب العلم doit être على يقين في هذا الباب. Il doit avoir des قواعد. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، il les a résumés في كتاب القواعد المثلى. Il les a résumés من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم. Il les a résumés et il les a mis dans un petit livre. قواعد المثلى. Sept règles dans l'asma. Sept règles t'expliquent dans les noms d'Allah. Sept règles dans les sifat, dans les attributs d'Allah. Les caractéristiques d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sept règles dans les noms et les attributs. Ça te fait 7 fois 3, 21 règles. 21 règles dans les noms et dans les attributs. Talib il ne peut pas son temps, ya jama'a. Ondar nahnu, à chaque fois le fait, à chaque verset, chaque chose, on voit que ça nous ouvre une porte. Iyaka na'budu, iyaka nasta'in, tu dois étudier à tawhid. T'as beaucoup de livres. كتاب التوحيد شغل الإسلام كشف الشبهات كثير من الكتب الرحمن الرحيم سنوفو زبر من بعض الأسماء والصفات تدوى اتجي لليف كونا سيتي اهدنا الصراط المستقيم تدوى كونا التمنهج on n'a pas le temps à perdre avec tout ça tu trouves rien on perd notre temps. Fulan il rentre dans une chose, ça le regarde pas. Fulan il regarde les défauts des autres, il s'oublie lui-même. Fulan il connaît pas la ni'ma, il marche avec le mubtadi'a. Tu dis taqillah, pourquoi tu marches avec Fulan? Kada kada, il connaît pas la ni'ma qu'il a. il l'a ضيع. Tu trouves fulani, il gâche les kuffar. On a un naqs. On a un naqs, il est kabir. La personne ne perd pas son temps. Antal, elle, pour haqqaq tout ça, il faut du temps. Il faut du temps. Haqqaq tawhid, haqqaq l'asma au sifat. Al manhaj, il faut que tu sois tayyib, il faut que tu aies des connaissances sur le fiqh. Il faut que tu connaisses ta langue arabe. Il faut que tu donnes du temps au Coran. Tafsir le fatiha, après, il faut que tu continues le tafsir. Même à le temps que ça va te prendre. Avec tout ça, c'est qu'une femme, il doit éduquer ses enfants, il doit essayer de travailler un peu, il a akhiré. La personne ne doit pas perdre son temps. Il ne doit pas perdre son temps. Et celui qui a du temps, et qu'Allah il l'a waffaq, et shukur Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dans une ni'ma azima. Il est dans une ni'ma azima. Et wa nakhiyo, la ilhamd, on a fait بعض الكتب في هذا الأسماء والصفات فلعل الله سبحانه وتعالى نفاسلي ونغفر pour les frères qui n'étaient pas là. قال شيخ الإسلام قال وكذلك فيها معرفة الله على التمام أخذناه. قال وفيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه. قال شيخ الفوزان ومعرفة نفسك أنك ضعيف وأنك محتاج إلى الله ولهذا تقرأ هذه السورة وتكررها في كل ركعة لأنك بحاجة إليها. نعم أنت ستكون يا الله سبحانه وتعالى avec son les attributs. Tu vas savoir que Allah c'est le قوي, c'est le قيوم, c'est العزيز, c'est الجبار, c'est الرحمن, c'est الرحيم. Tous ces noms, il y a des معاني عظيمة. الرحمن celui qui fait miséricorde, القوي celui qui a le قوة, il a besoin de personne, القيوم il a besoin de personne, وهكذا. Si tu connais tout ça, tu vas avoir une ma'rifa fillah et tu vas connaître ton nafs. Tu vas savoir que tu es un da'if. Tu dis, iyyaka nasta'in, tu demandes de l'aide à Allah, c'est que tu es un da'if. Si tu es malade, tu dois invoquer Allah. Tu as fait un péché, tu dois demander pardon à Allah, liyanna sarrahman rahim. Tout ça parce que tu es un da'if. Al-asma sifat, ça te montre ma'rifatullah et ça te montre, tu connais qadr nafsik. Tu sais que tu es un da'if. Tata'adjab l'an, tu trouves à al-kafara, c'est de du'afa. Il a un kibr, la ya'lamuhu illallah. Il marche, on dirait, il va s'envoler. C'est un da'if. C'est un miskin, c'est un bachar. Et tu le trouves, il a un kibr. Ka'annahu, il va pas mourir. Ka'annahu, il va rester éternellement. Un jour ou l'autre, ton père, il est mort. Al-kibr, ça sert à rien. Al-kibr, c'est une sifat iblis. Ou c'est une sifat fir'aoun. Al-mutakabbir. Amma al-kibriya, c'est une sifat illah. Allah, c'est mutakabbir. Azza wa jal. Voilà, un jour, l'insan, il essaye de se caractériser avec le kibr. Là, pourquoi tu veux du kibr, t'es un daïf? Si tu dors pas pendant deux jours, t'as mal à la tête. Si tu manges pas pendant trois jours, t'arrives plus à te lever. Si tu bois pas à une certaine période, tu peux mourir. Une dent, si Allah a été prouvé avec ta dent, faqat, ta'lamoun, tu peux plus dormir, il a akhir. Quel manque? La douleur. Fa limada, t'as du kibr. Limada. L'être humain, il a pas le droit de dire takabbar. T'es un daïf, t'es un miskin. Et voilà, si t'as quelque chose, c'est min Allah. C'est fadl min Allah. Et tu as dit Allah, la tuhsouha. Al-kibr, c'est le Rabb, le Qawi, le Aziz, le Jabbar. Non, Allah subhanahu wa ta'ala. Léana, il t'a créé, il t'a donné, il a créé. Amen, t'as limada, t'as kabbar. Qala, Cheikh Al-Fawzan, Léana, فيها هذا الدعاء العظيم الذي إذا تقبله الله منك سعدت في الدنيا والآخرة أي من السعادة. قال وإذا غفلت عنه ولم تستعمله فإنه لا ينفعك بشيء. نعم. اهدنا الصراط المستقيم. سي الله سبحانه وتعالى يتكزوس الدعاء que tu répètes tous les jours, Inch'Allah, tu auras gagné في الدنيا والآخرة. لأن سي الله يتقيد صراط المستقيم ففي الدنيا تغى العزة et في الآخرة تغى الجنة. تغى الجنة لأن صراط المستقيم c'est طريق الجنة كما تعلمون. قال حفظه الله قال فهذا مما يؤكد على العبد أن يتدبر القرآن خصوصا هذه السورة العظيمة. يقول ابن القيم تدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. أساسا كلام إمام سعالم في القرآن سعالم في السنة سعالم في الحديث سعالم في الفقه ورحمه الله ابن قيم الجوزية رحمه الله فيتفسد نصيحة في النونية. النونية سين une poésie عظيمة. ابن القيم il était قوي في الشعر. Il était قوي dans la poésie et il a mis cette قوة au service de la religion رحمه الله. Il a écrit sa célèbre poésie النونية فيها الدفاع عن عقيدة المسلمين فيها الرد على البدعة والمبتدعين فيها نصرة التوحيد والموحدين. Il a écrit ce célèbre poème. Et la nasiha qu'il donne, parmi les nasiha qu'il donne, tadabbar al-Qur'an in rumta al-huda. Si tu veux le huda, ميديت sur le Coran. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. الله سبحانه وتعالى يقول يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن فيه الهدى كما قال عز وجل فيه الهدى والنور. فالسلوك في الأجيدي هذا القرآن. Va pas chercher la guidée autre que dans le Coran. Et crois pas que ce qu'il y a pas dans le Coran, c'est de la guider. Abadan. Ce qui te font croire les kuffars, la liberté, la laïcité, la démocratie, que c'est avec ça que tu vas avoir, tu vas être heureux et l'akhiré, c'est que du kadib et du talbis. Ça les a pas rendus eux. C'est des kafaras, ça les a pas rendus heureux. Ils sont dans le dhiq. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا أي لغاء ضيق. Celui qui s'écarte du Coran et de la Sunna. فما بالك أنت أيها المسلم تدرس القرآن والسنة كيف تشوف الكفار. Crois pas que tu seras heureux et tu auras la guidée. أبدا. الهدى في القرآن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السنة du prophète عليه الصلاة والسلام. قال فالعلم تحت تدبر القرآن. Tu veux les clés du علم القرآن. Concentre-toi sur le Coran. حفظا وتدبرا ودراسة ودعوة. Tout ça, ça doit être basé sur le Coran Karim. La chaque Coran, il te faut des outils pour le comprendre. Il te faut la langue arabe. Il faut que tu étudies l'aqida. Il faut que tu étudies usul al-Quran, usul al-tafsir. Il faut tout ça, un talib ilm. Lakin, sa niya, c'est de comprendre هذا القرآن. Comprendre هذا القرآن. Est-ce qu'il y a à comprendre le Coran, c'est le hifd ou le tilawa. أحيانا la personne y récite un verset, أحيانا on ne comprend pas, on est du'afa fil arabiyya. Tu peux lire un verset, tu reviens au kutub tafasir. Dès que tu as une faïda, tu la notes. قال ibn Kathir dans ce verset, كذا, tu le notes, كذا. C'est ça un talib ilm ya jama'a. Amma pas de notes, pas de lecture, pas de révision. Il va venir d'où ce ilm ? Il va venir d'où ? Abadan. On dort l'an, quelques jours fil fatiha, on a des fawaïd azima. Des fawaïd azima, takfik. Takfik pour te guider et pour être à l'album, ça te suffit. Et après, si tu approfondis, c'est encore mieux. Imagine, on fait tout ça pour tout le Coran. Chaque jour un peu. Des notes. Fulani, il stafid min kalam l'ulama, il sera à la khid. Amma, on laisse le Coran, iqil, waqal, toute la journée. Fais ça, fais pas ça. On m'a dit, j'ai entendu. Sur internet, Fulani l'a dit. Tu lui demandes, c'est qui, il sait plus. Il délaisse le Coran, le Mushaf il est chez lui. Ba'dannas, il délaisse tout ça. Il va, il regarde, Fulan il a pas dit, Fulan il a dit. Ya akhi, étudie le Coran et stafid min ulama ahl sunna. Et laisse Fulan et pas Fulan. Une personne, personne ne le connaît. Il a akhiri, il y a des doutes sur lui. Il va, il s'accroche à lui, il l'égare. Ibn Kathir, ça ne suffit pas. Ibn Jarir, ça ne suffit pas. Al-Imam Shawkani, Cheikh Al-Azaymin, Cheikh Sa'di, Al-Imam Nuqayyim, Rahimahullah, ils ont jamais un de ces tafasir. Al-Tafsir Al-Qayyim, ils l'ont appelé. Ah, ils ont pris de Kalam Ibn Qayyim dans plein de ses livres. Il avait de la inaya avec le Coran, jiddan. Tellement qu'il avait de la inaya avec le Coran, ils ont rassemblé sa quoi, ça a donné 4 mujallads dans le Coran. Ça n'a pas un tafsir. Pourtant, lui, il n'a pas écrit un tafsir du début à la fin. Là. Ils ont rassemblé ses paroles, ça a donné un tafsir. Pas tout le Coran, mais une grosse partie. A'alam, andor. A'alam, les fruits. Ils ont cherché dans ces livres, dans ces paroles, ils ont réussi à jamais un tafsir. Anta, vérifie tes paroles si on va jamais un tafsir. Hakada al-Muslim, tu te remets en cause. Les ulama, eux, ils parlent avec le Coran. Et ils cèdent de l'explication des savants. La boud. Amma, on prend des gens, awalan, ce n'est pas des savants, et ils ne se basent pas sur le Coran. T'as tous les ingrédients pour t'égarer. Lana hada al-ilm, comme a dit Ibn Qayyim, tadabbar al-Quran et rumta al-huda. Si tu veux le Huda, le Coran. Tu ne pourras pas apprendre le Coran qu'avec l'ulama. L'ulama sunna. Hakada la personne, il se met des règles dans sa vie. Hakada un jour internet. Un jour il lit un livre de pages, il arrête. Un jour avec ses amis, il snakash, jidal, sans aucun fruit. Après il est énervé, il s'arrête. Après, ça va durer combien de temps alors? Ce que maintenant tu trouves. Ba'dan, c'est pas des talabat al-ilm, ils ont pas la méthode. Tu le trouves et vous l'avez vu. 5 ans, 10 ans, dans le manhaj salafi, dans le sunnah, à la fin, il n'y a pas grand chose. Sans salafi, il est à l'akhir de l'akhir, mais niveau ilm, il n'y a pas des grands fruits. Pourtant, 10 ans. Peut-être que tu lui dis, c'est quoi ma'ana alhamdulillah rabbil alamin? Peut-être qu'il ne saura pas. Akhi, tous les jours, tu récites alhamdou. Ça veut dire quoi alhamd? Enfin, il faut une réponse. Tu trouves un talab ilm 6 mois, 1 an. Talib ilm, mais un vrai talib ilm. Il est chez l'ulama, il ne prend pas d'internet, il ne connaît pas hadith l'humour. Chez l'ulama, il a une méthode. Ce n'est pas il commence un livre, il lâche. Là, il commence une chose, il a fini. Hada, tu as un an. parle avec lui, tu verras. Un an. Tu vas le trouver, Coran, il a appris beaucoup. Tu vas trouver des hadiths, tu vas trouver Kalam al-Ulama, tu vas trouver un comportement. Masha'Allah. 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu le trouves, il est à la khair. Tu le trouves, c'est un or pour la Ummah. Pour que tu le mets, il y a des fawa'id. Les gens, ils sont hakada autour de lui. Ils ont besoin de lui. Si fais attention à Ahl al-Bida'a. Makr al-Hizbiyin. Et il fait attention au kafara, Inch'Allah il sera à la khair. Lakin ha'oula, en général, c'est la proie des ennemis de l'islam. Imma, ils essayent de les égarer, imma, avec de l'argent, imma, tais-toi, imma. Si patient, mais ibnillah, ça sera un or pour la Ummah. Tout ça, c'est basé sur quoi? Sur al-ilm. Et l'ilm, tu ne pourras pas comprendre et tu ne pourras pas avoir du ilm, il l'a vu le Coran. Le Coran, c'est la source de ce ilm. Le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors ça, c'est nasiha pour montrer l'importance de hada al-Quran. Et en fait, on a beaucoup d'outils. On a les masahifs, il y en a partout. Ta'ammal, à l'époque des compagnons, il n'y avait pas de masahif partout. Peut-être une personne, il veut lire. Comme on a déjà vu dans certains hadiths, il est obligé d'aller voir un compagnon, récite-moi hada. Al-Anata, t'as le mushaf, il est devant toi. Ils t'ont facilité la chose. Tu ne sais pas lire, t'as des cassettes. Les cassettes, ça prend trop de place. Ils t'ont fait des clés, hakada, la taille de ton ongle. Tu mets 15 mushaf dedans. Écoute, c'est tout. Ils nous ont fait ces facilités d'Igdan. À l'époque, il n'y avait pas de tafsir partout. Tu es obligé de sahaba, ceux qui sont venus après, des kilomètres pour demander une ayah. Des kilomètres. Ma ma'na qawl Allah azza wa jalla kada kada. Alors, maintenant, tu as des kutub de tafsir. Devant toi. Kutub tafsir Ibn Kathir, Ibn Jarir, Cheikh Sa'di, ils t'ont fait des tafsir. Ajiba. Hatta l'imam al-Asbahani, il a mufradat al-Qur'an. Il a un livre, c'est un dictionnaire du Qur'an. Un mot, tu recherches dans son dictionnaire et il t'explique. Il explique les mots du Coran, mot par mot. Alhamd, ça veut dire quoi? Tu ouvres Alhamd, il t'explique. T'as pas compris? T'as l'ulama. Peut-être qu'un jour tu lis un livre, t'écoutes la cassette, le charge, tu comprends pas? T'as un téléphone. Cheikh Foulan, même à la kada, j'ai lu. Jazakallahu khair. Ils ont fatigué l'ulama. Salam alaikum. On m'a dit, Foulan il a dit, c'est vrai que t'as fait. Hatta l'alam il raccroche. N'appelez plus, vous me faites perdre mon temps. Écartez-vous. L'ulama il décroche plus. Il les charle. Imagine, Hatta l'alam tu l'appelles. Salam alaikum, cher. J'ai une question. Qawlil azawjal kada kada. Wallah, l'alam ça va lui faire plaisir. Il va dire, Hatta c'est un talib ilm. Hatta il est pas dans Foulan, pas de Foulan, tous les jours. Il demande, il veut avancer dans son deal. Nous, on ne dit pas que tu n'as pas le droit de demander sur le Mubtadi'a. Mubtadi'a, tu demandes. Lakin, ahyanan, c'est trop. Voilà, ce Foulan, c'est un égaré. On le délaisse et on avance. Amala, pourquoi? Comment? Mais on a dit. Hatta, il rend malade. Il est malade et il rend malade les autres. Hakada, haqiqa, nous, tariq, elle est simple, elle est claire, là. Elle est facilitée vite. Lakin, il faut des hommes. Il faut des hommes qui rentrent dans ce tariq et patientent. C'est quoi qui nous empêche le an? Tous les jours, on commence par le Fatiha, on a fini. Après le Baqara, on commence par la fin, c'est plus facile. Surat al-Nas, al-Falah. Tous les jours. C'est quoi qui nous empêche? On lit. Celui qui ne sait pas lire, il écoute. Celui qui a du mal, il lit un peu, il fait ce qu'il peut, il demande. Akada, on avance. Fait donner les efforts, ils sont faits. Lakin, fait dit, c'est pas. Et ça fait peur, ya jama'a. Il y a la ni'mat l'islam, ni'mat sunna, ni'mat l'in. Si elle n'est pas préservée, Allah il peut t'enlever. Allah il peut t'enlever, Azza wa Jal. Wa itta adana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Wa la in kafartum in adhabi la shadid. Si tu shkar Allah il te rajoute. Si tu shkar pas, le châtiment d'Allah il est shadid. Parmi le châtiment, c'est qu'il t'enlève cette ni'ma. Ça, on le voit. Des personnes qui sont à l'al-khair, il ne préservent pas cette ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève cette ni'ma. Tu le trouves, il s'égare. Ça devient hizbiste, ça devient fainéant, ça devient un sahib dunya. Tout ça pourquoi? La ni'ma elle était sous ses yeux. Il ne l'a pas préservé. Qala, rahimahullah, qala Cheikh l'Islam fil mat, fa innahu idha kana rabbun falabud min marboub. Naam. Dès que tu lis, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah c'est le Rabb. Rabb al-alamin. Et le Rabb, il y en a un. La chèque que les autres, c'est des marbous. Un créateur, les autres, c'est des créatures. Un qawi, les autres, c'est des daïfs. Qala, Cheikh al-Fawzan, Rabb al-alamin, yadul ala annahu labud min Rabb khaliq, wa min makhlouq marbou. Makhlouq li Rabb al-alamin. Hada wadah. Qala, wa idha kana huna rahim, falabud min marhoum. Naam. Tu dis, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim. Si un Rahim, forcément, il y a des créatures qui ont besoin de miséricorde. Lian Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rahman ar-Rahim. Il fait miséricorde. À la chaque, il y aura des créatures qui vont recevoir cette miséricorde. قال شيخ الفوزان الرحمن الرحيم إذا كان هناك راحم فلا بد من مرحوم وهو المخلوق الراحم هو الله والمرحوم هو المخلوق قال شيخ الإسلام إذا كان هناك مالك فلا بد من مملوك هذا فوائد عظيمة يعني للتكست دو قرآن يتفكم خونج كسامبليك مالك يوم الدين أو الرحمن الرحيم forcément il y aura des personnes des créatures qui ont besoin de ce rahma et toi tu fais partie d'eux ayuha al-ab لأنها تكري قال شيخ الفوزان مالك يوم الدين إذا كان هنا مالك فلا بد من مملوك وهم العباد وجميع المخلوقات tu dis مالك يوم الدين sache que Allah c'est le roi c'est le مالك sache que أنت t'es مملوك ça implique quoi tu fais pas ce que tu veux là t'es un مالك t'as des comptes à rendre ce مالك tu vas le rencontrer يوم الدين enfin tu fais pas ce que tu veux tu fais pas ce que tu veux قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون enfin t'as t'es créé pour un but bien précis enfin là t'as tarbé le kuffar ils te font croire que cette dunia tu fais ce que tu veux t'es libre il a akhiré si tu veux tu crois si tu veux tu crois pas là t'as tarbé t'es mamelouk t'appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala tu le veux ou non que tu obéis tu désobéis tu crois ou tu crois pas t'appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala t'as l'amour dans la fille dunia dès qu'on te met un objectif ça te fait bouger t'as l'amour là maintenant à l'école ils leur mettent les diplômes dans le travail ils leur mettent des primes des cadavres ça fait bouger la personne ou des comptes à rendre maintenant dans les entreprises t'as des comptes à rendre tu dois faire telle pièce tu dois faire cadavre à la fin tu dois rendre des comptes si elle est mal faite et cadavre ça motive la personne imagine maintenant dans une entreprise tu fais ce que tu veux chacun fait ce qu'il veut le patron vient dit chacun fait ce qu'il veut à Mohim à la fin vous venez chercher votre salaire l'entreprise ça va être un hôtel tout le monde va dormir marouf à mal un là ils savent qu'il doit venir à l'heure il sait que s'il ne vient pas à l'heure il peut le renvoyer la prime il peut lui enlever les vacances il lui enlève tu le trouves ils sont alertes fait din si tu te mets dans la tête yaoum din tu te mets dans la tête que tu es un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala tu te mets dans la tête que tu as des comptes à rendre tu vois que ça va te faire bouger amma les principes laïcs république tous ces mots qui veulent rien dire khalas tu fais ce que tu veux je fais ce que tu veux je crois ou je crois pas je fais ce que je veux tu le trouves khalas il est ta'bal صلى الله العافيه فنحن لدي مسلمون نحن لي مالك يوم الدين on sait qu'on aura des comptes à rendre on sait qu'on n'a pas été créé هكذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله سبحانه وتعالى يقول dans le verset أن le croyant et la croyante ils n'ont pas de choix tu fais ce que tu veux أبدا dès qu'Allah il a décrété une chose le prophète صلى الله عليه وسلم il t'a ordonné une chose t'as pas le choix à la fin de l'ayat Allah عز وجل il te montre ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا celui qui désobéit il s'égare et celui qui s'égare il fait partie de al-maghdoub alayhim et il fait partie de dhallim والله المستعان قال نكمل بقي قليل نعم نكمل قال شيخ الإسلام وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود نعم on est tous d'accord qu'il y a des ibad des serviteurs ils sont obligés d'adorer quelque chose et là tu trouves l'être humain il est obligé d'adorer quelque chose les musulmans ils adorent Allah les mushrikoun ils adorent leur statue حتى l'athée il adore quelque chose là bon l'athée il adore son nefs il adore shaitan qui c'est qui lui a dit d'être athée qui lui a fait croire qu'il n'y avait pas de drame c'est shaitan et ce suivi de shaitan c'est une adoration enfin insane Allah il l'a créé il doit suivre quelque chose il doit croire c'est obligé tu verras jamais un être humain neutre hakada. Je crois rien je suis personne abad al-aql il suivra sa hawa afara'ayta man ittakhada ilahahu hawa Allah subhanahu wa ta'ala il montre est-ce que tu as vu celui qui prend son nefs comme ilah ça te montre un, des gens ils se prétendent athées non moi je suis pas kadab t'adores ton nefs pourquoi il adore son nefs ce que son nefs ça lui dit il le fait ce que son nefs ça n'aime pas il s'enlève khalas. L'obéissance et la désobéissance elle est par rapport à son nefs son nefs son âme c'est devenu un ilah amma nahnu la nahnu on est des abd on admet qu'on est des créatures des serviteurs on est un ma'boud c'est Allah azza wa jal قال شيخ الفوزان إذا كان هنا عبد لابد أن يكون هناك معبود وهو الله سبحانه وتعالى قال شيخ الإسلام وإذا كان هنا هاد فلابد من مهدي نعم اهدنا الصراط المستقيم فسي هادي une personne que tu demandes ou plutôt tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la guider فلا شك qu'il y aura des personnes qui seront guidées et des personnes qui ne seront pas guidées sinon il n'y aurait aucun sens de demander la guider Si tout le monde est guidé, il n'y a aucun sens de demander ihdina sirat mustaqim. Khassatan si tu rajoutes la fin de l'aya, ghayr al-maghdoubi. Tu demandes à guider, tu demandes à Allah qu'il te préserve de ceux qui ne sont pas guidés. Ça montre qu'il y a des gens qui sont guidés, des gens qui ne sont pas guidés. Pour toi, il y aura une grosse faïda. Anna, tu regardes et tu cherches les causes de la guidée, tu les suis et tu fais attention aux causes de l'égarement et tu t'écartes. Ah, mais on est tous pareils, on est tous égaux. Personne n'est garé, personne n'est guidé. Mabda al-ilmaniya, ça se mine abtal al-bafi. Tout ça, l'an, yarud ala hadi l'afka. Mais Anna, si tu trouves l'an, les principes, les fondements que le kuffar ils ont mis, c'est ad. Mais t'as l'an chez les laïcs, tu peux pas dire guidé et pas guidé, t'as pas le droit. Tout être humain, il naît et il demeure libre et égaux, il a akhiré leur khurafa. Tu peux pas dire. Maintenant, on dit musulman guidé, on dit un juif, c'est un égaré. Chez les laïcs, là, t'as pas le droit. Tu dis pas guidé, pas égaré, pas guidé, pas égaré. Tu les laisses hakada. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous, le Coran, là, il nous montre l'inverse. Allah, tous les jours, on dit ihdina sirat al-mustaqim. Ça nous montre qu'il y a des gens qui sont guidés, des gens qui ne sont pas guidés. Sha man sha wa ghadib man ghadib. Le Coran, c'est haq. Cheikh al-Fawzan, ihdina sirat al-mustaqim. Idha kana hunak hadin wa huwa Allah, fa hunak mahdi wa huwa al-abd. Non. On n'est pas peur, ayouha al-muslim, de dire Foulan c'est un égaré, c'était à la haq. N'est pas peur. Les juifs c'est des égarés, les chrétiens c'est des égarés, ceux qui adorent des statues c'est des égarés, on les déteste fillah. Yeah, on n'a aucun doute. Le Coran il est wadih. Et c'est pas de faire croire que les égarés sont guidés, ça sera aucune utilité indallah. C'est un égaré, c'est un égaré. C'est un égaré, fais attention. Fais attention à lui et à son égarement. Et préserve ton dîme. Et sache que Yom Qiyamah tu seras tout seul. Ni les politiciens, ni les kuffars, ni ceux qui inventent ces choses pour égarer les musulmans, ils seront d'aucune utilité. Lui-même, s'il meurt à la dahal, il sera fin nord. Fa préserve ton din, akhi. Qala Cheikh l'Islam, wa idha kana huna mun'im, falabud min mun'am alayh. هذا تقدم قال أنعمت عليهم هذا فيه أن هناك منعما المنعم بالكسر سسلوك دل نعمة على وزن مفعل سسلوك دل تجي مثلا المفتي على وزن مفعل سسلوك دل فتوى والمنعم بالفتح على وزن مفعل سسلوك غصوى لنعمة. C'est celui qui reçoit la ni'ma. قال فلا بد أن يكون هناك منعم عليه وهم جميع العباد. Si dès qu'on dit an'amta alayhim, ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala il donne la ni'ma. وما بكم من نعمة فمن الله. Ça montre que l'ab il a besoin de cette ni'ma. قال شيخ الإسلام وإذا كان هنا مغضوب عليه فلا بد من غاضب. Quand tu récites غير المغضوب, ça te montre qu'il y a des personnes, ils ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont provoqué la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça te montre que Allah est en colère. Ça te montre que Allah il se met en colère. Et sifat al-ghadab elle est tabita avec ce ayah ou ghayriha. قال غير المغضوب عليهم وهم اليهود. قالوا من صار بركابهم ممن تعلموا ولم يعملوا لا بد أن يكون هناك غاضب وهو الله سبحانه وتعالى. وصفة الغضب هي ثابتة عند أهل السنة. قال والغضب من صفاته فهو يغضب ويسخط وينقض. والمغضوب عليه هو الممقوت والمسخوط عليه هو المخلوق العاصي المخالف لأوامر الله سبحانه وتعالى. فأيها المسلم sache que la chose qui met en colère le plus Allah c'est الشرك. Adorer les tombes, adorer les statues, adorer Shaitan, adorer des anges, adorer tout ça met en colère Allah. لأن الله سبحانه وتعالى يقول وعبد الله ولا تشرك به شيئا. كذلك une chose, des choses qui mettent en colère Allah سبحانه وتعالى مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. Allah سبحانه وتعالى il a envoyé ce prophète que pour être suivi. إلا ليطاع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه. Allah il se met en colère quand une personne il veut adorer Allah il ne suit pas Adam Nabi. Pourquoi tu veux adorer Allah et tu ne suis pas le Nabi? Là il y a juste là. Le Nabi sallam il a été envoyé pour qu'on le suit. Tous on suit cet exemple. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك les choses, parmi les choses qui mettent en colère Allah subhanahu wa ta'ala, al-ma'asi. Allah t'a créé, t'a interdit des choses. Si tu les fais, ça met en colère Allah Azza wa Jal. Enfin, tu dois connaître les causes qui mettent en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Et تلتفت إلى غضب المخلوق سيسا غضب كيبا في الله لا تلتفت إليه لأن الآن يدي شوز كيبا تقول كولير المخلوق لكن المخلوق سيسا بان صالح يبس متر كولير إن شوز C'est pas une cause pour qu'ils se mettent en colère. Maintenant, après le kuffar, ils voient des sœurs en hijab, ça les met en colère. Là, tu as le tafit. L'essentiel, c'est qu'Allah, Rabbul Alamin, il est satisfait de toi. Maintenant, il y a des djuhal, ils voient maintenant un musulman avec la barbe, ça le met en colère. Là, tu as le tafit. Ne donne aucun poids, aucune importance à cette colère. Ben, un, tu as tout en colère contre lui, fais-le, et tu le détestes, fais-le. L'anahu, il combat l'islam. Un, ton mizan, c'est le Coran et le Sunna. Ce qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala, ça te met en colère et tu t'écartes. قال شيخ الإسلام وإذا كان هنا ضال فلا بد من مضل. إذا كان هناك ضال فلا بد من مضل. نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسيا سيا دي ضلال. Il y a des égarés et l'agré. Il y a des modèles, il y a des choses qui poussent la personne à s'égarer. Il y a des personnes, des imams, des égarés, ils égarent les gens. Il y a, tu vas trouver certaines œuvres, certains amels, ils égarent la personne. La personne doit connaître un asbab d'alal. Un asbab d'alal, c'est de prendre son din d'un égaré. Ça, c'est un asbab d'alal. L'anna, tu places, tu crois un ta qui peut t'aider et qui va te montrer le haq, et roi, c'est un égaré. Il donne que son égarement, tu t'égares. Comme il y a des gens maintenant, des awam, des masakin, ils sont égarés à cause de l'aïmat al-modelli. Comme il fait une fatwa, al-riba yajouz. La musique yajouz. Égorger pour les tombes, c'est pas trop grave. Wahagada. Le ami, lui, il croit que c'est un imam. Il croit que ce qu'il dit, il parle bil Qur'an wa sunnah. Enfin, il le suit. Voilà, quand tu viens, tu le dis, il dit, lakin Sheikh Foulain, il a dit, il n'arrive plus à comprendre. La cause, c'est ce dhal, ce mulharif. لكن اليوم القيامة يحمل وزرة وأوزار من ضل بغير حق يوم القيامة يبقى son fardeau son égarement et le fardeau de tous ceux qu'il a égaré إنشاء الله تعالى فلا personne il fait attention au dhalal l'égarement il fait attention parmi les causes qui préservent la personne de l'égarement أولا الإخلاص s'il est sincère s'il est sincère Allah il le guide ثانيا العلم il apprend son dîme chaque chose qu'il fait il a une preuve chaque chose j'ai envie de faire une chose je demande est-ce qu'il y a un dalil min al-kitab wa sunnah kadhalik parmi les choses qui préservent la personne de l'égarement il comprend son dîne avec la compréhension de l'ulama al-ulama al-rabbaniyo l'ulama al-sunnah l'ulama al-salaf fa-hada bi-idhnillah il a toutes les causes bi-idhnillah pour être guidé incha'Allah ta'ala nasallahu subhanahu wa ta'ala ayyahdina قال شيخ الإسلام فهذه الصورة تضمنت الألوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى نعم لتخوى نوع التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات قال كما سبق أن فيها أنواع التوحيد الثلاث التي هي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ونفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى وهذا هو التوحيد نعم النفي والإثبات هذا التوحيد النقاشون نتو les défauts, les faiblesses par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Rabb Al-Khaliq, Al-Ma'boud Lahul Asma, Al-Husna wa Sifat Al-Ula c'est ça le tawhid les trois tawhid Lillah Azza wa Jal Qala wa tadammanat ma'rifat al-ibadah wa arkaniha et ça on a vu dans les trois premiers versets Al-Mahabba wa al-Khawf wa al-Raja l'amour, la peur et l'espérance Qala wa fiha, qala Cheikh al-Fawzan wa fiha al-Mahabba مع التذلل والرجاء والخوف فهذه أركان العبادة تسع on l'a vu dans les premiers durous قال شيخ الإسلام والله أعلم et ça c'est من الأدب طلبة العلم ومن باب أولى العلماء ils ont un أدب انظر tout ce qui nous a cité à la fin والله أعلم لأن شيخ الإسلام il a compris قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين il sait que tout ce qu'il a fait c'est من الله et il connaît le sens de لا حول ولا قوة إلا بالله il sait que c'est Allah qui lui a facilité à la fin de la risala il remet le fadl لله il dit والله أعلم si j'ai raison c'est من فضل الله si je me suis trompé Allah il est أعلم reprenez le حق هكذا ça veut dire ça الله أعلم si il a raison شيخ الإسلام c'est من فضل الله عليه si il s'est trompé on revient au Coran et à la Sunna لأنه il a dit Allahu a'lam فهكذا طالب علم il a un comportement avec العلم فرحمه الله رحمه الله vous comprenez الآن toutes les rassailles qu'on a fait sur l'islam vous comprenez pourquoi Allah il l'a élevé C'est pas hakada. Cheikh l'islam, il est né comme toi, un enfant. Il allait aux toilettes comme toi. Il avait un comportement d'enfant comme toi. Lakin, cette personne, cheikh l'islam, il a fait des efforts jiddan. Khassatan fi tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé. C'est devenu cheikh l'islam. Rahimahullah. Et plus on avance dans les rasaïl qu'on fait sur l'islam, plus ça nous montre, on donne la valeur à cette personne. Wallahi, la yubghid sur l'islam, Muhammad ibn al-Dahab, illa un jahal ou un munafiq. Ou un kafir wadih, un yahoudi, un nasrani, il le déteste. Ou un munafiq, il fait apparaître l'islam, lui aussi c'est un kafir. Ou un jahal. Bah, l'awam, matalan, ils ont une mauvaise image. C'est des musulmans, on ne dit pas que c'est des kafirs, mais il ne sait pas avoir par son ignorance. Amma, un musulman qui a la ilm et qui a la sunna, il peut que aimer cette personne. Mais là, cette personne, il a fait revivre Tawhidillah subhanahu wa ta'ala. Qala Cheikh al-Fawzan wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa jazahullahu khayran ala ma bayyan wa waddah rahimahullah. Nasallahu subhanahu wa ta'ala a yajzi Cheikh al-Islam khayra al-jaza wa yajzi Cheikh al-Fawzan habidahullahu ta'ala wa yujzikum ala صبركم صلى الله سبحانه وتعالى السلام والعافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.